Chapitre 8e. Au bord de la chaussée de l'ancien étang d'Amoret, Aimée était assise, jambes pendantes, et s'occupait d'un travail de couture. Derrière elle, la forêt montait, haute et touffue, répandant une ombre bleuâtre sur la pelouse dont l'herbe rase était tondue de près par brin de lait, la petite vache rousse de Denis Fenoël. L'autre versant du vallon était baigné de soleil. Sur les feuilles lisses et immobiles des hêtres, une lumière argentée ruisselait. Tout au fond de la gorge verdoyante, on apercevait la ferme, silencieuse et assoupie dans la moite lourdeur de cette journée d'août. Bien qu'il fût près de 6 heures et que la grosse chaleur fût déjà passée, tout se taisait dans le vallon. Brindelet, attaché à un piquet, broutait lentement l'herbe de rue, et sa queue allait et venait le long de ses flancs pour chasser les mouches. Aimée, tout en tirant l'aiguille, regardait de temps à autre la prairie, les bois, le ciel marbré de blancs nuages pommelés, et sa figure exprimait une joie tranquille. Depuis 3 mois qu'elle habitait avec son grand-oncle, elle s'appliquait à se transformer en vraie paysanne, et la transformation s'était déjà accomplie, du moins quant à l'extérieur. Dans une de ses vieilles robes, elle s'était taillée un costume semblable à celui des femmes de la ferme. Des brodequins de gros cuir chaussaient ses petits pieds. Un fichu d'indienne, croisé sur sa poitrine, s'enfonçait sous la bavette d'un tablier de toile bise. Ses bras et son visage s'étaient hâlés. Ses cheveux, qui repoussaient, recommençaient à friser et à flotter en boucles désordonnées sur sa nuque où pendait un chapeau rond de paille cousue qu'elle avait rejeté en arrière pour être plus à l'aise. Dès les premiers jours, elle s'était mise bravement aux besognes rustiques, se levant dès l'aube, faisant le ménage, soignant le poulailler, sarclant les herbes du petit jardin, menant la vache en pâture, tandis que Fenoël travaillait dans la coupe avec les bûcherons. Le soir, quand il rentrait tout recru et le pas plus pesant, il trouvait son logis en ordre et son souper sur la table avec son broc de piquet de biosson. Jamais depuis longtemps, Noiret lui n'avait échoué de la sorte. Aussi, bien que Denis eût à l'égal de sa petite nièce le sang vif et l'humeur rageuse, aucun nuage n'avait encore troublé la paix de leur vie commune. Il faut dire, du reste, que Fenoël laissait à Aimée la bride sur le cou. Le vieux célibataire ne savait ce que c'était que sermonner et moraliser. Indépendant de sa nature, il respectait l'indépendance des autres, et pourvu que tout fût en ordre au logis, il permettait à la jeune fille de se gouverner à sa guise. Il se levait au jour, partait pour les bois, où sa petite nièce lui portait son repas de midi, et ne rentrait qu'à la brune pour souper et se coucher. Dans ce creux de vallée, enfoncé dans la verdure, séparé du plus proche village par des lieux de forêt, où le piéton apportait à peine une lettre en un mois, et où les rumeurs des villes arrivaient rarement, Aimée croissait et se développait à la bonne aventure comme les arbres. Dans la paix enveloppante des bois, le vernis de sa première éducation s'écaillait peu à peu, son vieux sang paysan, n'étant plus gêné par les complications artificielles de la culture mondaine, circulait librement. Peu à peu, elle revenait à la vie élémentaire et simple de ses ancêtres les charbonniers. Son séjour dans la maison confortable de Marly lui semblait déjà un rêve. Elle voyait, comme dans un lointain vaporeux, sa chambre capitonnée de l'avenue du cœur volant et le grand piano à queue où elle déchiffrait des sonates. Elle songeait sans tristesse au temps où elle allait en pension, où elle ne s'habillait qu'avec l'aide d'une femme de chambre, et où elle dessinait dans le salon de travail garni de hautes bibliothèques de bois noir. La lecture de ses livres favoris ne lui faisait même plus défaut. Son esprit trouvait assez d'occupation à regarder le monde nouveau de la forêt, à observer les formes des arbres et les mœurs des oiseaux qui vivaient autour d'elle. La nature, dans son plein épanouissement, l'absorbait et la grisait. Un courant sympathique s'établissait entre son âme et l'esprit mystérieux des plantes et des êtres sauvages. Pendant qu'elle cousait sur son talus, Brindelet, ayant tendu tout le cercle de pelouse compris entre le piquet et l'extrémité de la corde, avait fini par s'impatienter. Elle tirait sur sa longe, tant et si bien, qu'elle la dénoua. Alors elle s'élança dans le pré, fière de sa liberté reconquise, et l'attention de la jeune fille fut brusquement attirée par le joyeux meuglement et les caracolades de la bête. Aimée sauta au bas de la chaussée et tâcha de ressaisir la corde. Mais la vache malicieuse faisait de brusques écarts et se moquait de sa surveillante inexpérimentée. Bientôt, bondissant à travers fossés et talus, elle gagna la lisière de la forêt et se mit à pâturer dans les cépés de jeunes hêtres. Aimée savait que les gardes ne plaisantaient pas. Elle voyait déjà le brigadier survenant et verbalisant, et elle songeait à la colère de l'oncle Finoël, apprenant qu'il avait un procès sur les bras. Elle s'élança vers la lisière, mais la vache, à son approche, s'enfonça plus avant dans le taillis et lança un nouveau meuglement, comme si elle eût pris plaisir à attirer la surveillance des forestiers. La jeune fille, haletante et cramoisie, commençait à se désespérer quand elle entendit derrière elle un gros rire éclatant et vit déboucher d'un sentier une vigoureuse fille qui était servante à la ferme et qu'on nommait la Garodelle. « Vous ne savez pas encore votre métier, la belle !» dit la paysanne en riant de nouveau. Elle se jeta en avant de la vache, lança son tablier sur la tête et, empoignant la corde, ramena la fugitive à son piquet auquel elle fixa solidement le licou. « Voilà comment faire un nœud !» s'écria-t-elle en tournant vers Aimée sa large face couperosée. « Merci, Garodelle. Il faudra que vous me montriez comment on s'y prend. »« Ce n'est pas malin, mamie. Seulement, il ne faut pas être douillette. Et vous avez encore la peau des mains trop tendre pour y arriver. » En même temps, la servante montra ses grosses mains rouges et terreuses. « Quand vous aurez des pattes comme celle-là, ma gâchette, vous serez une vraie paysanne. »« Pas avant. » Elle haussa les épaules, y rechargea un lourd paquet de fougères et s'éloigna lestement. Aimée se rassit, dépitée et confuse, et regarda ses petites mains que le hâle avait brunies, mais qui n'étaient ni déformées ni gercées. Elle les soignait avec un reste de coquetterie, et elle était demeurée mondaine par ce côté-là. Elle sentait que la servante, au fond, l'avait bien jugée. Si elle était paysanne de cœur et de sang, il y avait pourtant certaines exigences de la campagnarde auxquelles elle ne pouvait se plier. Autant la besogne solitaire des champs, le commerce intime et familier avec les bêtes et les plantes la charmait, autant elle avait de répugnance à vivre de pair à compagnon avec les gens de la ferme. Sous ce rapport, elle avait gardé toutes les susceptibilités et toutes les délicatesses du milieu où elle avait été élevée. Les rudes propos des servantes, les grosses plaisanteries des garçons de ferme et du fermier, les jurons, les gaietés tapageuses des coupeurs au bois, lui aspiraient un dégoût invincible. Elle n'était ni prude ni mijaurée, mais elle ne pouvait s'habituer à cette brutale expansion de l'humeur paysanne. Elle avait beau se faire violence pour se familiariser avec les façons des gens qui l'entouraient, elle ne pouvait pas plus prendre dans leur langage et s'amuser de leur plaisir qu'il ne lui était possible de donner à ses mains la grossière patine et la rudesse des doigts rugueux de la Garodelle. Ayant laissé tomber sa couture et s'accoudant sur ses genoux, elle songeait à ce revers de médaille de sa nouvelle condition, tandis que le jour brunissait peu à peu. Un bruit de sonnaille lui fit relever les yeux, et elle vit déboucher du versant opposé de chevaux chargés de sacs de charbon et d'attirails de campement. Ils étaient conduits par le grand Justin, qui s'avança gaiement vers la jeune fille. « Bonjour, mademoiselle Aimée, » lui cria-t-il de loin familièrement. « Nous avons fini notre charbonnage du bois des fosses et nous nous installons au moulineau. Comme ça, nous allons devenir vos voisins. »« Tant mieux, Justin, » répondit-elle en l'accueillant avec un sourire. « Cela fera plaisir à l'oncle Finoël. »« Et à vous ?» demanda timidement le jeune garçon. « Cela fera-t-il aussi un peu plaisir de revoir vos amis les charbonniers ?»« À moi aussi, certainement, Justin. Je me réjouis d'aller vous voir dans votre nouvelle vente. » La conversation tomba un moment, puis le grand Justin reprit. « Vous habituez-vous au monde d'ici, mademoiselle Aimée ? Je ne sais pas si je fais erreur, mais quand je suis arrivé, vous aviez l'air d'être en souci. » Elle secoua la tête. « Vous vous trompez, je ne m'ennuie jamais. Je passerai des heures ici, rien qu'à regarder les arbres et toutes ces fleurs dont les prés sont pleins. Voyez, est-ce joli ? On se croirait dans un jardin. » Elle lui montrait de la main les plantes fleuries qui poussaient à foison dans le sol tourbeux et humide de la vallée. Les gentianes, les grands aconites bleus, les reines des prés odorantes, les parnassies dont les fleurettes d'un blanc mat étoilaient les pelouses limoneuses. « Elles ont toutes un visage si différent, » reprit-elle. « Je voudrais savoir leur nom et à quoi elles sont bonnes. » Elle s'était accoudée et la tête renversée. Elle promenait ses doigts sur une plante aux teintes sombres dont les touffes vigoureuses couvraient toute une partie du talus. « Tenez, » continua-t-elle, « celle-ci, par exemple, qui vient ici en quantité, est-elle assez curieuse avec ses fleurs brunes et ses fruits noirs, qui ressemblent à des cerises ?»« Oh, » dit Justin, « méfiez-vous. L'an passé, l'enfant d'un de nos charbonniers a mangé de ces cerises-là, et il est mort. il n'y a pas de plus mauvaise herbe que la belle adonne, ça vous tue un chrétien comme une mouche. » Elle a bien la mine d'une empoisonneuse, fit Aimée en jouant avec les baignoires. Puis elle sourit et ajouta, « On trouve dans vos bois même ce qu'il faut pour mourir quand on en a envie. »« Fille, ne parlons pas de ça, » répliqua Justin, en brisant à coups de fouet les tiges des belladones. « Ce ne sont pas des idées de votre âge et vous êtes trop gentille pour ne pas aimer la vie. »« Aussi je l'aime, » s'écria-t-elle en riant, « et je ne songe pas à la quitter. »« Rassurez-vous, mon brave Justin, jamais je n'étais aussi heureuse, jamais je n'ai eu le cœur aussi tranquille. » Justin poussa un gros soupir. « Tant mieux, » répondit-il. « Je connais des gens qui n'en pourraient pas lire autant. » Il tourtilla machinalement la mèche de son fouet autour du manche, hésita, comme s'il avait quelque chose d'embarrassant à dire, puis, brusquement, « Bonsoir donc, mademoiselle aimée, » reprit-il. « Je retourne à mes chevaux, qui s'impatientent. À vous revoir. » Il fit claquer son fouet, rejoignit ses bêtes et s'engagea sous bois, tandis qu'aimée, détachant brin de lait, reprenait le chemin de la ferme. Depuis que la jeune fille demeurait chez son grand-oncle, Justin était venu plus d'une fois à Moret. Quand les charbonniers furent installés au Moulineau, ses visites devinrent encore plus fréquentes. On le voyait de temps en temps arriver à la tombée du jour, sous le prétexte d'apporter à Aimée des sachets de noisettes, des panerées d'alise et de cornouilles. Il en profitait pour faire de longues causettes au coin du feu, tandis que le bûcheron, qui aimait peu à veiller, n'écoutait que d'une oreille et lorgnait son lit d'un œil impatient. Un soir d'octobre, Finoël dit à Aimée, « Sais-tu, petite, tu prétends toujours que tu veux être une vraie paysanne. Eh bien, il y aurait pour ça un moyen sûr, ce serait d'épouser un paysan. » Aimée releva vivement la tête et coula un regard de côté vers son oncle pour s'assurer s'il parlait sérieusement. Elle vit qu'il souriait dans sa barbe et répondit alors sur le ton de la plaisanterie, « Ça, grand-oncle, ce serait une idée, mais il faudrait d'abord qu'un paysan voulût de moi pour femme. » « C'est bon, j'en connais un, moi, et un qui en meurt d'envie. »« Qui donc ?»« Le grand Justin, sans le nommer. »« Il vous en a parlé ?» demanda-t-elle d'une voix brève, presque irritée. « Nenni. Seulement comme il ne fait que virer autour de chez nous, cela saute aux yeux. »« Dame, ce n'est pas un étain brillant que celui de charbonnier, mais c'est un bon état et on peut y amasser un magot quand on a de la conduite. » La jeune fille le laissait causer et restait immobile, le front appuyé contre le manteau de la cheminée. Ses sourcils se rejoignaient et ses lèvres closes étaient contractées par une expression de répugnance et d'inquiétude. En dépit de son désir de devenir une franche paysanne, ses délicatesses de civilisée se révoltaient, et cette perspective d'être la femme d'un charbonnier lui faisait courir un frisson dans tout le corps. Finoël, assis à l'autre coin du foyer, remarqua l'altération de ses traits et s'interrompant brusquement. « Je suis une vieille bique, » s'écria-t-il. « Je vais, et j'oublie que tu n'as pas été élevée dans les mêmes idées que nous. »« Rassure-toi, petite, je ne veux pas te forcer la main. Cette pensée de mariage m'était poussée parce que je me sens vieillir et que je souhaiterais ne pas te laisser seule derrière moi. »« Puis il y a autre chose, » reprit-il, après avoir hésité un moment. « Voici que nous sommes en octobre, et ça met en souci de m'absenter du logis toute la journée à une saison où les chasseurs vont venir loger à la ferme. »« Quels chasseurs ?» demanda Aimée. Des messieurs de Langres et de Dijon qui ont amodié les chasses de mon gérant et qui viennent chaque hiver s'établir chez le fermier. Il y a monsieur de la Morandière et les fils d'Ardennes, de Grancey. Or, qui dit chasseur, dit coureur. Et ça me terrabuste de songer que tu resteras chez nous sans personne pour te protéger. » Aimée se mit à rire et protesta qu'elle saurait bien se protéger elle-même. Denis Finoël n'était pas aux mains insister longtemps. Voyant le peu de succès de ses ouvertures, il ne souffla plus mot du grand Justin, et les choses en restèrent là. Un beau matin, on fut réveillé par les fanfares des cors et les aboiements des chiens. Les chasseurs étaient arrivés de la veille, et ils partaient pour le bois. Toute la matinée, les cris des traqueurs, occupés à faire l'enceinte, les trompes de chasse, les voix sonores des chiens, annoncèrent que c'en était fait de la quiétude endormie de la vallée d'Amoret. Les nouveaux hôtes de la ferme ne rentraient qu'à la brune. Alors les fenêtres des chambres hautes s'allumaient, et bien tard dans la nuit, on entendait encore les rires tapageurs des jeunes gens en train de souper. Aimée, assise l'après-midi sur les talus de l'ancien étang, suivait curieusement les rumeurs tantôt lointaines et tantôt rapprochées de la chasse. Les coups de fusil la faisaient tressaillir, mais la fanfare des cors, s'exhalant au plus profond des bois à demi effeuillés, la plongeait dans une délicieuse mélancolie. Parfois le chevreuil, serré de près par les chiens, bondissait à travers le taillis et, débouchant tout à coup à la lisière, traversait en hâte la prairie, poursuivi par les hurlements de la meute, puis se renfonçait dans la futaie et les rumeurs s'assoupissaient, les aboiements devenaient plus sourds, jusqu'à ce qu'une fanfare ou une détonation éclata bien loin, à l'autre bout du vallon, et se répercuta bruyamment dans les roches des moulineaux. Parfois aussi, le matin, la jeune fille voyait, de la lucarne du grenier, les chasseurs défiler devant la maisonnette de Finoël, le fusil sous le bras, les jambes serrées dans des molletières de cuir et la pipe entre les dents. C'étaient des jeunes gens de 25 à 30 ans, d'allure assez bourgeoise, ni beau ni laid, solidement bâti, ayant une gaieté bruyante et un peu vulgaire. Un seul se distinguait de ce milieu passablement terne, c'était celui que Finoël nommait Monsieur de la Morandière. Grand, leste, robuste et de tournure élégante, il avait le teint bistré, la barbe courte taillée en pointe et très soignée. De longs cils donnaient à ses yeux une douceur presque féminine qui s'harmonisait du reste avec l'expression affinée et un peu dédaigneuse de sa figure. On y lisait l'intelligence très éveillée d'un homme qui a vécu dans un milieu artiste et s'est occupé des choses de l'esprit. On y devinait aussi le scepticisme gouailleur de quelqu'un qui est revenu de bien des illusions. Le sourire de ses lèvres avait quelque chose de l'indifférence indolente d'un fumeur d'opium. Mais en revanche, ses grands yeux bruns brillaient de l'éclat particulier au regard des gens qui ont beaucoup voyagé et dont la prunelle garde un peu de la splendeur des sites admirés. Au dire des habitants de la ferme, Paul Lamorandière avait en effet longtemps couru le monde et avait laissé par les chemins une notable partie de son patrimoine. C'était un homme de goût, aimant les arts, ayant fait lui-même un peu de peinture. Il avait l'humeur vagabonde et l'esprit changeant, avec ce fond de prudence et de prosaïsme qui n'abandonne jamais les vrais Langrois au milieu de leurs plus fougueux emportements. Un beau jour, Lamorandière, voyant décroître ses rentes, était revenu au gîte et avait mis pour un temps une martingale à ses fantaisies. Sa dernière folie avait été de se faire bâtir, non loin des bois d'Aubrive, une maison de campagne à la naissance d'une vallée qui s'ouvrait dans un creux de rocher. Cette habitation, copiée sur une maison de la Corne d'Or, lui rappelait son séjour en Orient. La coupole de métal, les fenêtres tréflées, les mouches arabes sculptées à jour, les jardins en terrasse avec leurs eaux jaillissantes et leurs massifs de fleurs exotiques étaient fameux à 8 lieues à la ronde. Les étrangers venaient voir, comme une curiosité, cette excentrique demeure que les habitants du pays avaient surnommée la folie Lamorandière. Il y passait la belle saison et le reste de son temps était partagé entre de rapides fugues à Paris et des parties de chasse aux environs. Ce n'était pas qu'il fût un chasseur bien ardent. Il suivait les chiens en flâneur, s'arrêtant de ci et de là pour croquer un groupe d'arbres ou une hutte de bûcherons. Souvent Aimé le voyait passer devant la porte avec son album à la main, tandis que ses compagnons, plus enragés, couraient déjà les bois depuis le fin matin. Il s'en allait lentement le long des hêtres ou trouches de sonnelle, où des volées des tourneaux piaillaient bruyamment. La plupart du temps, il n'emportait même pas son fusil et se contentait de se faire accompagner de son chien. Il regardait le paysage d'un air à demi indifférent, crayonnait un bout de croqueton, puis allumait un cigare et s'étendait au soleil dans un coin de lisière bien exposé au midi. Sans trop s'expliquer pourquoi, Aimé était intimidé par la présence de ce grand garçon à l'air indolent et dédaigneux. Les autres chasseurs ne la troublaient guère, et elle se souciait peu de les rencontrer. Mais quand Lamorandière flânait dans le vallon, elle n'osait pas sortir et restait blottie derrière la fenêtre jusqu'à ce qu'elle l'eût vu rentrer à la ferme. Elle le craignait, et avec cela, par une bizarre contradiction, les jours où elle ne le voyait pas passer lui semblaient vides. C'était la première fois qu'un homme faisait sur son esprit une aussi inexplicable impression. Pour la première fois aussi, depuis son arrivée à Moret, elle se sentait devenir mélancolique. Il lui montait à la tête de vagues regrets de sa vie heureuse et confortable de Marly. Elle était prise d'indéfinissable tristesse augmentée encore par l'influence des brumes pénétrantes de l'arrière-saison, et se souvenant d'avoir été jadis gâtée, élégante et choyée, elle se sentait tout à coup mal à l'aise et comme honteuse de se voir si pauvre. Elle ne se rendait pas bien compte de ce qu'elle éprouvait, mais elle avait plus nettement conscience de son changement de position et de sa condition actuelle de déclassée. Parfois, le soir, au coin d'un maigre feu de souche, à la lueur fumeuse de la lampe à bec, tandis que Finoël s'endormait sur sa chaise, elle écoutait les rumeurs joyeuses qui partaient du bâtiment de la ferme et que les rafales de décembre lui apportaient par intervalles. Le grillon chantait doucement derrière la platine. On entendait la respiration rauque du brindelet à travers la cloison de l'étable, et Aimé, devenue plus morose, se comparait à Podane exilé au milieu des vallées de basse-cour et gardant ses troupeaux sous les fenêtres du fils du roi.